Famille et tes proches. proche, tu ne m'as jamais menti. Jamais menti, yeah. Jamais menti. Jamais menti, tu ne m'as jamais menti. Jamais menti, yeah. Jamais menti. Jamais menti, de leur vie t'es sorti. Par où je suis sorti.